Et s'il n'y avait rien d'autre que la trace opaline d'un avion dans le ciel, rien d'autre que des collines brûlantes au coucher du soleil, rien d'autre qu'une nuée d'oiseaux étourdis dans l'azur. Et s'il n'y avait rien d'autre qu'un bouquet de rosée à offrir au matin, rien d'autre qu'une poignée de secondes avant de disparaître, rien d'autre qu'une boussole harassée qui a perdu le nord. Et s'il n'y avait rien d'autre que tes mains bouleversées pour me tenir en vie, que ta bouche sur ma bouche pour que je respire. Rien d'autre que le vertige crasseux de ma solitude, rien d'autre que des bouches ouvertes qu'on aime fermer, rien d'autre que des regards glissants quand je te souris. Et s'il n'y avait rien d'autre qu'une minute de toi pour nourrir chaque jour, rien d'autre de toi pour que je vienne encore, rien d'autre qu'une minute de toi et rien d'autre. Et s'il n'y avait rien d'autre que tes mains bouleversées pour me tenir en vie, que ta bouche sur ma bouche pour que je respire.